La délégation de l'Association des jeunes coréens en Chine, conduite par la présidente Kim Yong-nyon, a visité le 23 courant le palais du soleil de Kumsusan pour rendre hommage au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il.